Sainte Bible selon saint Jérôme, premier livre des Rois, chapitre 12. Or, Roboam vint à Sichem, car c'est là que tout Israël s'était assemblé pour l'établir roi. Mais Jéroboam, fils de Nabat, pendant qu'il était encore réfugié en Égypte, loin de la présence du roi Salomon, ayant appris sa mort, revint de l'Égypte. Car on envoya et on l'appela. Jéroboam vint donc et toute la multitude d'Israël. Et ils parlèrent à Roboam, disant, « Votre père nous a imposé un joug très dur. Vous donc maintenant tempérez un peu le gouvernement très dur de votre père et le joug très pesant qu'il nous a imposé, et nous vous servirons. » Roboam leur répondit, « Allez jusqu'au troisième jour et revenez vers moi. » Or, lorsque le peuple s'en fut allé, le roi Roboam tint conseil avec les anciens qui étaient auprès de Salomon son père lorsqu'elle vivait encore, et il demanda « Quel conseil me donnez-vous afin que je réponde à ce peuple ?» Ceux-ci répondirent « Si vous obéissez maintenant à ce peuple, si vous vous soumettez et que vous cédiez à leurs demandes, et que vous leur disiez des paroles de douceur, ils vous seront soumis pour toujours. » Roboam abandonna le conseil que les anciens lui avaient donné et consulta les jeunes gens qui avaient été nourris avec lui et qui étaient auprès de lui. Et il leur dit « Quel conseil me donnez-vous, afin que je réponde à ce peuple qui m'a dit « Allégez le joug qu'a imposé votre père sur nous. » Et ces jeunes gens qui avaient été nourris avec lui lui répondirent « C'est ainsi que vous parlerez à ce peuple qui vous a parlé, disant « Votre père a appesanti notre joug, vous soulagez-nous. » C'est ainsi que vous leur parlerez, mon plus petit doigt est plus gros que le dos de mon père. Ainsi donc mon père a imposé sur vous un joug pesant, mais moi j'ajouterai à votre joug. Mon père vous a déchiré avec des verges, mais moi je vous déchirerai avec des scorpions. Jéroboam vint donc et tout le peuple vers Roboam le troisième jour, comme Roboam l'avait déclaré, disant, revenez vers moi au troisième jour. Et le roi répondit au peuple des choses dures, abandonnant le conseil que les anciens lui avaient donné. Et il leur parla selon le conseil des jeunes gens, disant, « Mon père a appesanti votre joug, mais moi, j'ajouterai à votre joug. Mon père vous a déchiré avec des verges, mais moi, je vous déchirerai avec des scorpions. » Et le roi n'écouta point le peuple parce que le Seigneur s'était détourné de lui, pour effectuer la parole qu'il avait dite par l'entremise d'Aias le Silonite à Jéroboam, fils de Nabat. C'est pourquoi le peuple, voyant que le roi n'avait point voulu les écouter, lui répondit, disant, quelle part avons-nous avec David? Ou quel héritage avec le fils d'Isaïe? Va dans les tabernacles, Israël. Maintenant, voyez votre maison, ô David. Et Israël s'en alla dans ses tabernacles. Mais c'est sur tous les enfants d'Israël qui demeuraient dans les villes de Juda que régna Roboam. Le roi Roboam envoya ensuite Adoram, qui était surintendant des tribus, et tout Israël le lapida et il mourut. Or le roi Roboam, se hâtant, monta sur son char et s'enfuit à Jérusalem. Et Israël s'est tenu séparé de la maison de David jusqu'au présent jour. Or il arriva que lorsque tout Israël eut ouï que Jéroboam était revenu, on envoya et on l'appela, l'assemblée s'étant réunie, et on l'établit roi sur tout Israël. Et nul ne suivit la maison de David, excepté la seule tribu de Juda. Mais Roboam vint à Jérusalem, assembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, au nombre de 180 000 hommes de guerre choisis, pour combattre contre la maison d'Israël et remettre le royaume à Roboam, fils de Salomon. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Séméias, homme de Dieu, disant, « Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. » Disant, « Voici ce que dit le Seigneur. Vous ne monterez point, et vous ne ferez point la guerre contre vos frères, les enfants d'Israël. Que chaque homme retourne en sa maison, car c'est par moi qu'a été fait ceci. » Ils écoutèrent la parole du Seigneur, et ils s'en retournèrent, comme leur avait ordonné le Seigneur. Or Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y habita. Et étant sorti de là, il bâtit Phanuel. Et Jéroboam dit en son cœur, Maintenant le royaume retournera à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour sacrifier dans la maison du Seigneur, et le cœur de ce peuple se tournera vers son seigneur Roboam, roi de Juda, et ils me tueront, et retourneront à lui. Et ayant réfléchi mûrement à son dessein, il fit deux veaux d'or, et dit au peuple, Ne montez plus à Jérusalem, Israël. Voici tes dieux qui t'ont retiré de la terre d'Égypte. Or il en plaça un à Béthel et l'autre à Dan. Et cela devint un sujet de péché, car le peuple allait pour adorer ce veau jusqu'à Dan. Et il en fit des temples sur les hauts lieux, et des prêtres, des derniers du peuple qui n'étaient point d'entre les enfants de Lévi. Il ordonna aussi un jour solennel dans le 8e mois, le 15e jour du mois, à l'imitation de la solennité qui se célébrait en Juda. Et montant à l'autel, il fit de même à Béthel pour sacrifier au veau qu'il avait fabriqué. Et il établit dans Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait bâtis. Et il monta à l'autel qu'il avait construit dans Béthel le 15e jour du 8e mois, qu'il avait établi selon son gré. Et il fit une solennité aux enfants d'Israël, et monta à l'autel pour brûler de l'encens. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.